Microsoft qui s'est offert GitHub et sa plateforme au mois de juin dernier pour la coquette somme de 7,5 milliards de dollars. C'est IBM qui est passé à la caisse au mois d'octobre pour acquérir Red Hat, cette fois pour 34 milliards de dollars. Le point commun entre ces deux rachats, GitHub et Red Hat, sont deux mastodontes de l'open source. Ce mouvement initié à la fin des années 90 qui revendique le droit d'accéder au code, de le modifier, de le transformer et de le céder de façon libre. Un avatar du logiciel libre qui en serait en quelque sorte la philosophie sous-jacente. Est-ce à dire que l'informatique s'est radicalement convertie à une idéologie libertaire ? C'est assez loin d'être le cas. Open source, logiciel libre, liberté, égalité, point d'interrogation, c'est le problème à trous que nous allons examiner dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces questions et ces philosophies de l'informatique, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Stéphane Fermivier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe thématique logiciel libre dans Systématique, co-président du Conseil national du logiciel libre et PDG de la société Abilian. Et Alexandre Roquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien des sciences, professeur attaché aux archives Poincaré de l'Université de Lorraine. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour en direct sur les ondes de France Culture, sur votre poste de radio, mais aussi en replay sur le site franceculture.fr et en podcast quand bon vous semble via votre application préférée qui est vraisemblablement pas sous logiciel libre comme on aura l'occasion de le dire dans quelques instants. Alors pour commencer, rien de tel qu'une bonne petite analogie pour bien définir ce dont il va être question tout au long de cette heure via un extrait, celui d'un documentaire qui fait office un peu de référence en matière de vulgarisation du sujet. Ce documentaire, il s'appelle Nom de code Linux, il est signé par Anu Putonen et il est sorti en 2002. Linux, c'est ce système d'exploitation open source, un logiciel libre, qui est l'un des piliers fondateurs de ces mouvements. Écoutez comment il est défini dans ce documentaire. Permettez-moi de faire une analogie entre les programmes informatiques et les recettes de cuisine. Il existe de nombreux points communs entre un logiciel et une recette, avec une liste d'étapes à suivre, des règles qui déterminent à quel moment vous avez fini ou comment revenir en arrière. À la fin, on obtient un certain résultat. Si vous aimez cuisiner, vous échangez sans doute vos recettes avec vos amis et vous êtes probablement amené à les modifier. Si vous avez modifié votre recette, que le résultat vous plaît et que vos amis s'en régalent, il y a des chances pour que vous leur donniez la nouvelle version de cette recette. Et maintenant, imaginez un monde dans lequel vous ne pourriez pas changer votre recette parce que quelqu'un aurait décrété qu'il est impossible de la modifier. Et imaginez que si vous partagiez quand même la recette avec vos amis, ils vous traiteraient de pirate et feraient tout pour vous envoyer en prison pendant des années. Voilà le logiciel et la cuisine. Finalement, cette analogie a du bon, elle est extrêmement claire. Une réaction peut-être, Stéphane Fermivier ? Il m'a semblé reconnaître la voix de Richard Stallman dans ce documentaire, qui est le père fondateur du logiciel libre en 1983. Pour moi, le logiciel libre, l'open source, c'est une continuité et il y a une évolution sur les 35 dernières années maintenant où on est passé, bien sûr, d'une logique un peu idéaliste qui est telle qu'elle est exprimée par Richard Stallman à une industrie qui représente les milliards et même les centaines de milliards de dollars maintenant, comme vous l'avez évoqué en début d'émission. Alexandre Roquet. Et ce qui est intéressant avec l'analogie avec la recette de cuisine, c'est que en fait, il existe un entrepreneur qui a créé un repas complet et dont la licence est sous licence libre et donc qui est modifiable, contrairement à la recette du Coca-Cola, quoi, par exemple, qui serait une sorte de recette propriétaire pour le coup. Bien sûr, voilà, ouais, et que donc la recette libre, ça s'appelle le Soylent. C'est son but, c'est aussi de faire partager et de faire améliorer la recette au monde entier. Du moment que ce n'est pas Soylent Green, puisque on ne vous rêverait pas la fin du film de Richard Fletcher, mais Soylent, ça n'est pas forcément très bon à manger pour tout le monde. Peut-être un mot pour rappeler que ce qu'on va définir aujourd'hui, les débuts de l'informatique, même les débuts d'Internet, se passent au maximum, en tout cas, les grands entrepreneurs du secteur essayent au maximum de développer des langages langage propriétaire, on l'a oublié aujourd'hui, mais au début d'Internet, AOL, Infony en France, essaye de développer des plateformes en langage propriétaire qui ne soient pas accessibles, lisibles, transformables par tout le monde, Stéphane Fermigier. Alors effectivement, là, on est sur la question des standards ouverts, qui dépassent d'ailleurs, et qui est plus profonde que la notion de logiciel libre, puisqu'elle elle concerne l'interopérabilité entre différents types de logiciels. Donc là, en l'occurrence, c'est les logiciels côté serveur, hein, qui restent la propriété des géants maintenant, des géants d'Internet, et puis ce que l'utilisateur final ou l'entreprise a sur son poste de travail ou dans son téléphone, qui est ce qu'on appelle le navigateur. Donc là, il y a eu un mouvement effectivement très fort à la fin des années 90 de standardisation, l'arrivée du web, d'HTML, le standard HTTP et tout ce qui est venu derrière, et qui a aussi été un moteur formidable pour l'évolution du logiciel libre et le fait que le logiciel libre a réussi à percer face à des positions qui semblaient inexpugnables d'acteurs propriétaires comme par exemple Microsoft. Alexandre Roquet, on a tendance à dire qu'effectivement l'âge d'or un peu du logiciel libre, ce sont les années 90-2000 et qu'aujourd'hui on est dans une sorte de contre-mouvement justement avec l'arrivée massive de la téléphonie par des opérateurs qui font disparaître derrière des interfaces propriétaires tout ce qui peut être justement accessible, programmable, développable. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est ce que vous ressemblez? Oui, je peux aussi rebondir sur le fait de citer Microsoft en tant qu'historien du logiciel. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que l'histoire de l'ordinateur, elle est souvent faite sous l'angle de l'histoire du matériel, et que c'est une histoire très limite hollywoodienne dans le fait d'être de plus en plus puissant, de plus en plus rapide, et ce qui est vrai, et que le software là-dedans, il est souvent un peu laissé de côté. Et que le software, depuis que le software existe, si vous voulez, c'est une industrie qui est en crise. En fait, c'est que le software crisis, c'est quelque chose qui date de 67, si je me souviens bien, et qui est grosso modo l'idée que le design, la programmation, la diffusion, la portabilité, la maintenance, le support, tout ça font que le rythme de production est impossible à tenir vu l'évolution du logiciel, du matériel, et que le software est jamais un produit fini, en fait. Et que donc, Microsoft, sa stratégie dans les années 80, qui a quand même supplanté en tant que entreprise de logiciels IBM, qui était une entreprise de matériel, c'est qu'il a, par une stratégie de captivité, le logiciel s'en sort, en fait, il est florissant si les utilisateurs ne peuvent pas partir. Donc, puisque de toute façon, le logiciel ne marche pas. Donc, d'où l'idée de propriétaire, et que le libre et l'open se sont construits en réaction à cette ambiance-là. Et si vous me permettez, juste un détail à propos du matériel, cette fois, c'est que si le libre et le Stallman, tout ce qui est free, a pu, dans les années 80, s'implanter, c'est aussi que le matériel, le personal computer, le PC, qui est un objet standard, modulable, lui a permis, et que, pour rebondir là à votre question, effectivement, depuis que le téléphone à supplanter l'ordinateur, alors ça devient de plus en plus dur. Je suis pas d'accord pour dire que l'âge d'or du logiciel libre serait derrière nous. Au contraire, quand on regarde le poids économique de la filière du logiciel libre, je pense qu'on en reparlera, quand on regarde les opportunités qu'elle offre aux gens qui veulent démarrer des startups, on parle de Startup Nation depuis un ou deux ans en France, c'est un phénomène mondial. Et ça ne pourrait pas être possible si tous les outils de développement pour développer des applications web, des applications mobiles, de l'intelligence artificielle depuis un ou deux ans qu'on s'y intéresse de près, n'étaient pas disponibles au jour d'aujourd'hui en logiciel libre avec tout ce qui va autour, même les outils pour apprendre. Et on voit aussi dans la réforme de l'enseignement scolaire en France que on va apprendre à nos jeunes à coder, on utilise le mot coder, mais on préfère programmer, mais allez, on va utiliser la terminologie ambiante. On va vous remettre, d'ailleurs on avait consacré justement une émission entière à l'apprentissage du code ou du programme informatique sur lequel nous avions largement débattu. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Un mot pour conclure cette introduction, si vous m'autorisez cet oxymore. Le film d'Annie Putelen se conclut par cette phrase que je trouve intéressante. Il se conclut par « Ce serait peut-être l'une des plus grandes opportunités manquées de notre époque si le logiciel libre ne libérait rien d'autre que du code. » Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, le logiciel libre a libéré un peu plus que du code, ou qu'au contraire, les portes se sont refermées un peu plus vite que ce qu'on imaginait, Stéphane Fermigier? Certainement, c'est un mouvement bien sûr économique, technologique, quand on le regarde uniquement sous l'angle du logiciel, mais on voit que ça a influencé d'autres domaines. On parle d'open hardware, donc du matériel libre, bien sûr les recettes de certains produits alimentaires, on va dire. On parle d'open data, en partant aussi de la phrase connue qui est que la donnée serait l'essence ou le pétrole du 21e siècle. On parle d'open science aussi, on est dans une émission scientifique. Le logiciel libre vient au départ peut-être de concepts qui venaient de la science, l'idée de revue par les pairs, qui est absolument fondamentale dans la recherche scientifique. Et bien maintenant, la science reprend des idées du logiciel libre, qui est la reproductibilité. Donc l'idée qu'il faut absolument publier l'ensemble des outils qui ont été utilisés pour produire un résultat scientifique, et non pas simplement une feuille de papier avec des mots et quelques formules. C'est la devise de Framasoft, en fait, la citation que vous venez de citer. Et il y a un autre exemple encore plus simple que le grand public connaît bien, c'est Wikipédia, en fait. Donc Wikipédia, c'est la transcription dans un monde connu du grand public de principes politiques du logiciel libre. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h10 sur France Culture, nous parlons de logiciels libres et d'open source. Vous allez voir que ça n'est pas tout à fait la même chose, mais on va justement essayer de préciser cette différence dans quelques instants. Nous en parlons avec Stéphane Fermigier et Alexandre Oquet. Bien justement, alors commençons peut-être par là. Alexandre Oquet, logiciel libre, open source, est-ce qu'on parle de la même chose, est-ce qu'on ne parle pas de la même chose? Alors, bien sûr, cette fameuse distinction, c'est la source de tension. Bah, si vous me permettez de remonter dans le temps un peu plus loin que les années 80 bien et sûr. Richard Stallman, en fait, le mot « open », on le retrouve chez un philosophe que vous aimez bien citer, Nicolas, qui est Karl Popper. On en parle effectivement assez souvent dans cette émission. Donc vous connaissez Popper pour sa méthode de la réfutation. Déjà, le but de la réfutation, c'est de tracer une frontière entre ce qui est science et ce qui ne l'est pas. Et l'idée derrière la tête de Karl Popper, c'était donc ce qui visait comme étant n'appartenant pas à la science, c'était le marxisme. Donc le marxisme en tant que théorie scientifique de l'histoire pour Popper. Tout ce qui est vérité irréfutable ne fait pas partie de la science. Donc, de la philo des sciences à la philopolitique, Popper, il a écrit un livre pendant la Deuxième Guerre mondiale qui s'appelle « The Open Society and Its Enemies ». Et donc, la société ouverte et ses ennemis, donc. Voilà, oui, exactement. Et donc, les ennemis de Popper, en l'occurrence, c'est le communisme et le fascisme, ou ce qu'il appelle le totalitarisme. Mais ce livre, c'est une espèce de plaidoyer pour une société ouverte, qui, grosso modo, correspond à la démocratie occidentale. Quoi. Et donc, sa vision politique open de Popper, c'est une critique de ce qui est immuable, une théorie individualiste pour qu'il y ait une diversité de la critique. Ce livre a été repris par Hayek, la Société du Mont Pèlerin, pour en faire, en fait, il était enrôlé dans une doctrine ultra-libérale. En fait. Donc, et c'est ça, être open. Dans ce sens. Donc, open, c'est un mot qui veut dire gentil en général, qui est facile à se définir en fonction contre ce qui est fermé, mais qui est flou sur ce que c'est vraiment. Et que donc, le paradoxe des années 80, c'est que pour les gens comme Stallman, donc du logiciel, c'est que l'ennemi, c'est devenu justement cette société ultralibérale qui est promue par Hayek. Donc, c'est multinational, c'est monopole, et donc le fait que ça a provoqué quelque chose de fermé. Mais du coup, les principes ne sont pas si différents. Anti-monopole, compétition juste, liberté en tant que libre marché, etc. Et c'est là où politiquement on fait une différence entre open et free, entre open et libre. C'est que la vision open, elle est pragmatique. Il s'agit de mettre la participation, la transparence au service de l'efficacité, qu'elle soit technique ou même business. Tandis que la version free, c'est un programme politique de résistance, on peut dire, de lutte contre ce qui est propriétaire. On dit souvent, effectivement, pour essayer de distinguer, de faire le distinguo entre logiciel libre et open source, Stéphane Fermigier, que le logiciel libre, ce serait en fait finalement l'articulation philosophique de l'open source qui en serait l'adaptation méthodologique en quelque sorte. Alors, on peut voir ça comme ça. Moi, j'ai quand même tendance à dire que la différence entre les deux est très ténue. Et donc, il faut revenir un peu à l'histoire pour voir pourquoi le mot open source a été introduit. Donc, free software, c'est une expression qui a été inventée essentiellement en 83 ou 84 par Richard Stallman. Et pendant 15 ans, il y a eu un développement déjà assez considérable. Des dizaines, des centaines de logiciels libres ont été produits par la Free Software Foundation, l'organisation qui a été montée par Richard Stallman et puis plein d'autres gens. Et on avait déjà une offre tout à fait foisonnante en 1998. Mais bon, il y avait deux problèmes. Je dirais, pour moi, le principal, c'est quand même le mot free en anglais, qui veut dire à la fois libre et gratuit. Et quand vous dites free software ou freeware, on disait aussi à l'époque, c'est le mot gratuitiel, si on veut le traduire en français. On pensait essentiellement à la gratuité. Je vais vous dire que le sujet est encore d'actualité aujourd'hui. Ce matin, en lisant mon flux d'actualité, je tombe sur un article en anglais. C'était I have made a free Photoshop clone. Ask me anything. J'ai fait un clone free de Photoshop. Posez-moi toutes vos questions. Je me suis demandé, allez, 50-50, 90, c'est quoi la probabilité que le mot free veuille dire libre et quelle est la probabilité qu'il veuille dire gratuit dans ce domaine, qui est quand même le domaine du logiciel. Hein. On parle d'un domaine sur lequel l'expression free software existe depuis 35 ans. Et ben, évidemment, le clone en question était gratuit, il n'était pas libre. Donc il y a vraiment un problème de branding, pour un certain nombre de personnes, dont certains étaient des entrepreneurs ou associés à proches d'entrepreneurs, et qui se sont dit on n'arrivera jamais à vendre quelque chose en le qualifiant avec un mot sur lequel il y a un risque fort d'ambiguïté. Ils ont inventé l'expression open source. Après, ils ont pris une définition, alors qui n'est pas exactement la même que celle de Richard Stallman, mais qui, en pratique, s'avère que c'est tout le temps les mêmes logiciels qui sont à la fois free software et open source software. Donc, en pratique, quand on a un logiciel, que l'on vous dise, tiens, prends ça, c'est du logiciel libre, ou tiens, c'est de l'open source, c'est la même chose. Les gens qui travaillent dans ce domaine vont parfois avoir tendance à s'identifier plus à un mouvement qu'à un autre ou à une expression qu'à un autre. Il y a des gens qui sont effectivement plus attachés à l'éthique du développement logiciel et donc qui vont plutôt essayer d'utiliser le logiciel libre. D'autres qui, aussi parce qu'il y a une mode en informatique, en France, malheureuse, qui est d'utiliser systématiquement les mots américains. On n'ose plus même plus dire informatique, on dit je fais de l'IT. C'est beaucoup plus fashionable. À la mode, donc. Voilà. Donc on dit open source, soit pour faire plus américain, ça fait plus sérieux, puisque c'est... Voilà. Ou simplement pour lever l'ambiguïté, même si en France, certains Français n'ont pas pensé que libre, finalement, il n'y avait pas le problème en français. Donc on peut continuer. Moi, personnellement, j'utilise les deux indifféremment. J'essaie dans mes phrases, dans le même paragraphe, d'utiliser une fois l'un, une fois l'autre, pour ne vexer personne et surtout pour essayer d'unifier, de garder une cohésion entre notre communauté, au sein de notre communauté. L'open source, oui, Alexandre Roquette, l'open source, ce serait donc du coup finalement une sorte de compatibilité de la logique d'entreprise avec ce qu'est finalement la pensée éthique du logiciel libre. Oui, disons effectivement, et de fait, rhétoriquement, c'est assez. C'est assez compatible avec le fait que les gens qui sont plutôt du côté open source considèrent que finalement c'est à peu près pareil, tandis que ceux qui sont du côté free software considèrent que c'est vraiment différent, et qu'une manière simple, mais technique, mais simple, de résoudre l'ambiguïté, c'est de s'intéresser à la licence du logiciel. C'est que il y a des licences qui sont clairement du côté free software, et d'autres qui sont pas compatibles avec free software. Tout simplement, par exemple, le fait de si on s'intéresse aux licences Creative Commons qui concernent on peut redire en quelques mots de quoi il s'agit pour les gens qui ne sont pas complètement bilingues avec le langage informatique et avec ce type de terminologie. Oui. Alors, la licence, c'est ce qui va permettre la diffusion du logiciel sous certaines conditions. Donc, c'est en particulier pour ce qui est des licences Creative Commons, ça peut s'appliquer à autre chose que des logiciels, comme par exemple une recette de cuisine. Et donc, à une photographie, à un document que l'on met en ligne et dont on accepte qu'il soit partagé. Une encyclopédie en ligne. C'est ça. Et donc, le fait d'avoir, il y a une clause dans la licence Creative Commons qui s'appelle Share Alike, qui est qu'on peut mettre ou ne pas mettre, et qui fait toute la différence entre un logiciel, enfin quelque chose qui est considéré comme du coup free et quelque chose qui est considéré comme open. C'est-à-dire que le fait de mettre share alike, ça oblige celui qui reprend à rester dans le monde du free. C'est-à-dire que la vision politique du free, c'est de dire idéalement tout le monde entier serait sous cette forme-là, et que donc on va essayer de propager cette idée. Tandis que du côté open, alors là, on est beaucoup plus pragmatique. Alors, moi, peut-être un mot pour repréciser cette mention share alike, c'est-à-dire que concrètement, qu'est-ce que ça change vis-à-vis de la capacité à partager ou à modifier le document ou le logiciel ou quel que soit ce qui a été mis en ligne. J'ai deux objections. La première, c'est d'introduire les licences Creative Commons qui ne sont pas faites pour le logiciel, qui viennent de l'univers du logiciel libre, mais qui ont été appliquées à des objets qui ne sont pas qui sont plutôt des œuvres d'ordre artistique, on va dire. La deuxième, effectivement, c'est de dire qu'il y aurait des licences qui seraient open source au sens reconnu par l'Open Source Initiative, qui est l'organisme qui certifie les licences open source, et le Free Software, et le FSF, qui est la Free Software Foundation. FSF. Encore une fois, les définitions précises sont différentes, mais sont vraiment très similaires. La définition FSF est plus vague, elle rentre moins dans les détails. La définition OSI est plus opérationnelle. Définition OSI vient de la communauté Debian, qui est une communauté de gens qui sont vraiment à fond pour le logiciel libre, donc on ne peut pas les accuser d'avoir des mauvaises intentions. Alors maintenant, dans les licences, il est vrai aussi qu'il y a essentiellement deux grands types de licences, les licences dites à copyleft et les licences dites permissives, on utilise souvent ce terme, qui viennent aussi de deux idéologies différentes et qui ont des applications business différentes. Donc, copyleft, c'est essentiellement ce que vous appelez sharealike, c'est-à-dire on demande aux gens qui vont utiliser mon logiciel de respecter ma volonté de faire en sorte qu'il soit diffusé le plus largement et donc de rediffuser toute modification dans certaines circonstances. Donc, il y a un certain nombre de points de détail, mais de façon à en faire profiter le maximum. Et les licences dites permissives, la plus connue étant la licence BSD, qui vient d'une communauté très forte aussi, celle des Unix BSD, qui est une autre forme de système d'exploitation libre, où elle, au contraire, les gens sont tout à fait contents qu'on utilise le logiciel sans qu'il y ait forcément de réciprocité. Donc il y a tout un éventail, il y a peut-être 70 il y en a une dizaine ou une quinzaine qui sont vraiment importantes. Elles sont effectivement, elles peuvent être classées en deux ou trois catégories. Il est important de bien les connaître. Il y a tout des enjeux juridiques forts quand on est développeur, quand on est chef d'entreprise, quand on est chercheur et qu'on veut valoriser sa recherche pour choisir les bonnes licences en fonction d'un usage. Il n'y a pas que... évidemment, ça peut être aussi en fonction d'une idéologie qu'on a soi-même, mais c'est aussi en fonction de l'usage qu'on veut en faire en termes, par exemple, de valorisation. On va pas s'éterniser trop non plus sur ces différences-là qui sont certes importantes, mais il y a quand même énormément d'autres choses à dire. Peut-être qu'on peut revenir quelques instants sur l'évolution de la pensée et de l'introduction dans le monde de l'informatique de cette pensée du logiciel libre, de comprendre en quoi elle s'oppose. Quel est le point de départ en fait on a parlé de Richard Stallman, on l'appelle RMS parce qu'il s'appelle Richard M. Stallman tout simplement. Il est à l'origine et programmeur au MIT. D'où ça vient? Pourquoi cette volonté à un moment donné de sortir, de casser le langage propriétaire pour pouvoir donner accès au plus grand nombre, Alexandre Roquet. Alors bon, donc, il y a la fameuse anecdote de l'imprimante Xerox de Richard Stallman, où elle est fondatrice au sens où la vision du free software, vision Stallman compatible, elle est très liée à une opposition à ce qui est propriétaire, donc qui prive les utilisateurs de possibilité de voir le code, possibilité de modifier le code. C'est les quatre libertés fondamentales. Et donc, qui sont les fondatrices du FSF. Voilà, les quatre libertés fondamentales, de 0 à 3, paradoxalement, mais. C'est ça. Et donc, politiquement, il y a vraiment un côté résistance. De ce point de vue-là, qui, à mon avis, est absent de la culture open source, qui au contraire s'adapte. On peut les redonner rapidement. Liberté 0, c'est la liberté d'exécuter le programme pour tous les usages. La liberté 1, la liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à ses besoins. La liberté 2, la liberté de redistribuer des copies du logiciel. Et la liberté 3, la liberté d'améliorer le programme et de publier ses propres améliorations. C'est ça. Ouais. Donc ça, c'est le point de départ. À partir de là, Stallman ne se contente pas de développer, enfin de poser les jalons, les bases de ce que veut être la FSS. Il va développer ce qu'on appelle le projet GNU. Vous voulez nous en dire un mot, s'il vous plaît. Oui, donc il y a un double génie de Richard Stallman. C'est à la fois d'avoir des idées d'ordre juridique, philosophique, et puis de les traduire sous une forme juridique, bon, assez complexe, comme tous les sujets juridiques, mais ça a été aussi de mettre en œuvre son programme, parce que si c'était contenté d'être juste un agitateur d'idées, on n'en serait pas là. Donc, il a commencé d'abord tout seul, ou avec peut-être deux ou trois personnes, à créer les logiciels nécessaires pour faire ce qu'on appelle un système d'exploitation. Donc, c'est l'ensemble des logiciels qui sont nécessaires pour faire tourner un ordinateur d'usage courant. Bon, à l'époque, le système dominant, c'était déjà Windows, on connaît macOS qui existait déjà aussi. Lui, il est parti d'un truc qui était moins connu du grand public, certainement, qu'on appelle Unix, et qui remontait aux années 70, qui pendant toutes les années 70 avait été essentiellement libre. Il était libre dans les faits, mais pas juridiquement, au sens où les universités, les laboratoires de recherche et certains industriels s'échangeaient librement le code source, améliorer le code source du système Unix, jusqu'à un moment où AT&T est arrivé à racheter... AT&T qui est un grand opérateur téléphonique voilà, américain. Qui a racheté Bell Labs, d'où sortait le système Unix, et a dit à partir de maintenant, on passe à la caisse, on va essayer de monétiser, pour utiliser ce mot affreux. Bon, donc Richard Stallman était contre la monétisation, en tout cas par le biais de la vente de licence, et il a entrepris vraiment avec son talent de développeur et l'aide de quelques personnes d'écrire les outils fondamentaux pour créer un système d'exploitation complet, en commençant par ce qu'on appelle le compilateur, c'est-à-dire l'outil qui permet de traduire d'un langage source vers un programme exécutable. Et il s'est arrêté, alors il ne s'est pas arrêté, mais c'est un effort colossal, monumental, et à la fin des années 80, au début des années 90, il n'avait toujours pas vraiment avancé sur un sujet primordial qu'on appelle le noyau. Le noyau, c'est le bout de programme qui est vraiment l'interface entre la machine et les programmes que l'utilisateur exécute. Et c'est là qu'il y a un deuxième programmeur extrêmement doué et également une personnalité extrêmement forte est arrivé, Linus Torvalds, qui lui, jeune étudiant d'une vingtaine d'années, s'est dit moi, pour m'amuser, je vais faire un noyau et puis je vais l'appeler Linux parce que ça sonne bien avec mon prénom. Et bon, bah, comme on dit, le reste appartient à l'histoire. Linux est devenu un système dominant. C'est le système, il faut le savoir, hein, c'est le système qui est dans Android. Équipe 90% des téléphones portables dans le monde. Il y a je ne sais trop combien de milliards de téléphones, de smartphones dans le monde. Donc, presque tout le monde a un Linux dans sa poche. Peut-être un mot aussi de contexte hein, sur la popularité des débuts de ce mouvement, puisque Stallman fonde la Free Software Foundation en 85. On est vraiment au tout début de l'informatique grand public, à l'époque de la multiplication des marques, encore une fois, des langages propriétaires, où au contraire, il y a plein d'opérateurs qui apparaissent dans le secteur et qui comptent bien modéliser au maximum leurs programmes, leur langage à eux développé maison et de les rendre les moins compatibles. On n'est pas du tout dans une logique de réseau et de partage à cette époque-là, Alexandre Roquet. Oui, mais paradoxalement, c'est ces deux idées, à la fois le côté Microsoft de domination du monde par le logiciel de cette époque-là et toutes les histoires à propos de Stallman et ensuite de Linus Torvalds qu'on vient de raconter, elles sont leur point commun. C'est d'avoir ce que je disais tout à l'heure, un matériel qui était le personal computer, le PC, qui s'adaptait à ça. C'est-à-dire que avant le PC, on avait des supercomputers ou des mini-computers, des modèles qui étaient tous différents, des marques avec tous leurs propres systèmes d'exploitation, complètement incompatibles les uns avec les autres. Et depuis, on a des téléphones donc qui effectivement sont 90% sous un système Linux, mais un système Linux donc proposé par Android, donc par Google, avec qui est partiellement libre, partiellement propriétaire, et qui du coup, comme les téléphones sont eux aussi très différents matériellement, c'est très très très compliqué d'avoir un Lineage, donc par exemple un système Android Linux débarrassé de Google. Ça demande chaque protocole pour chaque téléphone est très différent, c'est très complexe d'avoir quelque chose d'effectivement entièrement libre dans son téléphone. Et entre 85 et 98, entre entre Stallman et Éric Raymond et Brut Perens qui vont être à l'origine justement de l'open source initiative. Que se passe-t-il et pourquoi finalement ce besoin de traduire cette Free Software Foundation, ce logiciel libre, dans une autre forme, finalement dans une autre forme plus entreprise compatible entre guillemets, Alexandre Roquet? Oui, j'en reviens aux licences, c'est-à-dire que si vous considérez que votre but, c'est pas que le monde entier soit libre, mais de développer des outils qui soient compatibles, le plus compatibles possible avec vos outils et les outils qui existent dans le monde. C'est donc, du coup, vous développez des choses que vous allez pouvoir essayer de rendre compatibles avec des choses qui sont propriétaires. Donc, là, vous avez, effectivement, que ce soit Google ou Microsoft sont aujourd'hui des entreprises qui contribuent énormément au logiciel open source, pas avec la philosophie de rendre le monde entier libre, mais avec la philosophie de développer des communautés qui puissent participer à des outils, donc de rendre compatible cette vision du logiciel avec leur propre agenda économique ou politique. Stéphane Fermigier. Alors, ce qui s'est passé effectivement autour de 97-98, c'est l'émergence de sociétés de plus en plus importantes qui ont fondé leur modèle d'affaires et qui ont fondé qui ont réutilisé de manière extrêmement profonde le logiciel libre qui avait été développé un peu dans la nature, soit par la Free Software Foundation de manière très structurée, mais aussi de manière beaucoup plus diffuse par une multitude d'acteurs, y compris Linus Torvalds et tous les gens qui tournaient autour du noyau Linux. Et donc, il y a un certain nombre de sociétés qui se sont créées pour distribuer sous une forme packagée, sous une forme vraiment utilisable par, je dirais peut-être pas déjà le grand public, mais en tout cas un public beaucoup plus large que le public d'informaticiens qui était celui du départ. Et ces sociétés sont montées en gamme. Au début, elles faisaient essentiellement que vendre des CD, souvent par correspondance, avec des petites annonces dans les magazines. Et progressivement, elles se sont dit non, si on veut vraiment développer notre activité, il faut aller voir des entreprises qui déjà à l'époque pensaient à remplacer leurs Unix propriétaires, donc des machines assez chères, avec des marges énormes côté constructeur, par du PC générique, du PC finalement acheté à un coût beaucoup moins élevé, mais avec le logiciel qu'il fallait trouver pour avoir le même type de service que ce qu'on avait avant. Donc il y a eu cette bascule, c'est vraiment le monde économique, ou en tout cas une partie du monde économique, qui a voulu s'emparer, qui s'est emparé du sujet, mais qui s'est retrouvé face à ce problème de marque, hein, d'image de marque et de branding dont je parlais tout à l'heure. Logiciel. Logiciel. Logiciel. Logiciel. Logiciel. Logiciel. Logiciel. Logiciel. Logiciel. Logiciel. Logiciel. Logiciel. Voilà, le titre de ce morceau ne vous aura certainement pas échappé. Le morceau du groupe Isoli qui s'appelle donc Mayonnaise, comme vous l'aurez bien compris. Logiciel, pardon. Puisque nous parlons de d'open source et donc de logiciels libres tout au long de cette heure, nous en parlons avec Stéphane Fermigier qui est président du groupe thématique Logiciel Libre dans Systématique, co-président du Conseil National du Logiciel Libre et PDG de la société Abilian, avec Alexandre Hoquet, historien des sciences, professeur attaché aux archives Poincaré de l'Université de Lorraine. Mais comme tous les mercredis, aux alentours de 16h30, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Tous les mercredis, la voix d'un jeune ou d'une jeune chercheuse qui vient nous parler de ses travaux de recherche. Aujourd'hui, c'est un jeune chercheur, Ivailo Ganchev, bonjour. Bonjour. Vous êtes en thèse au laboratoire d'informatique avancée de Seine-Saint-Denis de l'université Paris 8 Saint-Denis-Versailles. Vous travaillez sur bugs, failles et sécurité dans la conception, la construction et la compréhension de logiciels. Bienvenue à la recherche montre en main, c'est à vous. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Nous voulons tous utiliser des logiciels sans bug et de bénéficier d'une expérience utilisateur décente. Or, la maintenance d'un logiciel est une activité très coûteuse. Selon les auteurs, les estimations varient entre 40% et 90% du coût initial du projet. Et oui, ça coûte presque aussi cher de maintenir un logiciel que de le produire. Pour cette raison, les éditeurs de logiciels essayent d'anticiper de corriger les bugs avant le lancement d'une version. Pour cela, différentes techniques sont utilisées. Historiquement, la méthode formalisée la plus ancienne est celle qu'on appelle la complexité cyclomatique de McCabe. Une autre méthode consiste à utiliser des fuzzers. Ma recherche fait partie d'une troisième voie, l'analyse des métadonnées des dépôts de logiciels. Dans mon cas, il s'agit bien de dépôts de logiciels libres. Métadonnées, oui, ce sont des données qui expliquent des données. Par exemple, si on considère qu'un fichier de code source est une donnée, les métadonnées sont des informations comme qui a produit la dernière modification du fichier, à quelle heure et depuis où, ou encore combien de lignes ont été modifiées depuis la dernière version. On peut appeler cela des métadonnées simples ou non liées. On distingue aussi des métadonnées complexes qui nécessitent le regroupement de plusieurs métadonnées simples, voire des informations en provenance de plusieurs dépôts différents. Par exemple, combien de personnes ont travaillé sur un fichier? Comment est organisé le réseau des développeurs entre différents modules d'un programme? Le temps de résolution d'un bug ou bien le nombre de bugs par version? Ma recherche consiste dans le fait d'explorer différents dépôts de données, principalement des dépôts de code source ou des dépôts de bugs, de récupérer et d'analyser les métadonnées et à la recherche d'informations pertinentes. La plupart du temps, la récupération est simple, car les dépôts sont ouverts et en ligne. Il suffit de lancer des petits robots qui vont aller récupérer les métadonnées et les intégrer à une base de données locale. Par la suite, je procède au traitement et à l'analyse des données. J'utilise soit des outils disponibles librement, soit des outils que j'ai fabriqués dans le cadre de ma recherche. La plupart des problèmes que je rencontre sont des problèmes propres au domaine des mégadonnées, ou big data en anglais. Par exemple, la qualité des données n'est souvent pas au rendez-vous et on doit passer un certain temps à les nettoyer. Ou bien, on doit interconnecter des bases qui ne sont que très peu liées entre elles. Finalement, si j'observe des résultats intéressants, je gratte un peu plus pour voir si on n'a pas trouvé des métriques intéressantes. Actuellement, je me focalise sur la recherche des métriques, autres que celles déjà trouvées, qui me permettent de déceler des parties d'un logiciel qui contiennent des bugs. Et oui, en analysant seulement les métadonnées, on peut trouver avec une confiance relativement importante les endroits qui contiennent potentiellement des bugs. On peut aussi trouver des périodes de la semaine ou de la journée pendant lesquelles, statistiquement, on a commis le plus de bugs et attirer l'attention des meneurs d'un projet sur ces points. Au-delà de la recherche, des endroits avec des bugs, je m'intéresse aussi à des questions comme les cycles de vie d'un logiciel et les étapes de son évolution. Bien sûr, au-delà des dépôts de code source et des bugs, on peut analyser d'autres types de dépôts, comme les archives des listes de diffusion, les archives de chat IRC ou encore les archives documentaires comme les wikis. Du fait de l'ouverture du processus de développement, les logiciels libres et à code ouvert fournissent d'énormes quantités de données qui ne demandent qu'à être explorées et exploitées. Ces données peuvent être et sont utilisées à dresser des profils des projets. Combien de développeurs actifs se trouvent derrière un projet? Est-ce qu'il y a des sociétés derrière un projet libre? Est-ce qu'il y a une communauté active? Quel est le temps moyen de résolution d'un bug, etc. Tout ceci est fait dans le but d'améliorer la qualité des programmes et de permettre aux utilisateurs d'avoir des logiciels avec moins de bugs. Cela permet aussi à des décideurs de savoir facilement si l'intégration d'un logiciel libre dans un système d'information est risquée ou non. Cette activité de recherche fait partie d'un domaine de recherche qui s'appelle Empirical Software Engineering. Plusieurs conférences et journaux existent sur le sujet, comme la conférence annuelle Mining Software Repositories. Ce domaine n'est pas propre aux logiciels libres. Les grands groupes industriels se sont appropriés ces techniques et les utilisent en permanence pour améliorer la qualité de leurs produits. Ce qu'apportent les logiciels libres sont la grande quantité des données disponibles librement. Ceci facilite énormément la recherche. Par exemple, on n'est pas lié par des clauses de non-divulgation ou bien des restrictions d'accès au code source. Le point le plus important est certainement le fait que toutes les découvertes peuvent être vérifiées et toutes les expériences refaites. De plus, personnellement étant utilisateur de logiciels libres de longue date, c'était un moyen modeste de faire un retour à la communauté et ainsi de contribuer à ce mouvement extraordinaire que sont les logiciels libres. Merci beaucoup Evelo Ganchev pour votre présentation. Je vous voyais sourire à un moment donné, Alexandre Roquet. Effectivement, on sent, et c'est quelque chose d'important qu'on n'a peut-être pas vraiment évoqué dans la première partie de cette émission, c'est l'importance, la puissance de la communauté qui est autour de la notion de logiciel libre, qui est effectivement une communauté qui est soutenue par ce mouvement qu'on pourrait considérer comme un mouvement social. Ah, la communauté, c'est effectivement ce qu'il y a de plus important. Dans l'introduction, si je me souviens bien, vous mentionniez le rachat de GitHub par Microsoft. Par Microsoft, et oui. En fait, GitHub, c'est un logiciel, enfin, c'est une plateforme qui est propriétaire et qui est rachetée par une entreprise propriétaire. Donc, pourquoi la communauté du libre pourrait s'émouvoir d'un tel rachat? C'est qu'en fait, GitHub, c'est l'endroit où la communauté du libre dépose ses logiciels. Donc, c'est un endroit qui est important pour la communauté. Et il y a quelque chose de très, très important dans le libre, là, pour le coup, que ce soit open source ou free software, c'est la notion de forking. L'idée qu'un projet, il peut se séparer en deux à n'importe quel moment. C'est à la fois une grande liberté propre au libre et une grande menace. Parce que ce qui fait qu'un projet logiciel va mourir ou pas, c'est la vitalité de sa communauté. Et si on la divise en deux, on prend beaucoup de risques. Donc, il y a une autre chose qui est importante là-dedans, dans la question de la communauté, c'est que qui est très lié à la période actuelle, et qui est différent des débuts du libre, c'est que le logiciel lui-même, il devient plus rarement le composant critique de la compétitivité. Donc, du coup, c'est plus facile de libérer beaucoup de code et de se concentrer sur rendre propriétaire seulement ce qui est incompréhensible, comme GitHub, par exemple. Mm-hmm. Et que la stratégie, ça consiste à rendre open tout ce qui n'est pas grave d'être piqué, et donc de pouvoir profiter d'une communauté de développeurs. Là, du coup, c'est typique du capitaliste qui absorbe sa critique, si vous voulez. Donc, c'est profiter d'une main-d'œuvre. Stéphane Farmigier. Moi, j'ai une remarque par rapport au travail qui a été présenté, c'est qu'il s'appuie sur un corpus de méthodologie de développement qui s'est développé, on va dire, depuis peut-être une vingtaine d'années à peu près, à la création de SourceForge, qu'on a appelé les forges logicielles. Une forge logicielle, c'est une application web, un site web collaborative, l'ancêtre des réseaux sociaux si on veut, où les développeurs se regroupent autour de projets et vont contribuer en utilisant des outils de développement, mais des outils de développement qui sont faits pour le 21e siècle, on va dire. Donc des outils pour gérer le code source, des outils pour communiquer, et notamment des outils pour communiquer les problèmes ou les améliorations à améliorer sur une base de com. Donc, à l'aide de ces différents outils, on est capable de récupérer, comme l'a dit Ivailo, les données ou les métadonnées. Donc, il y a plusieurs types de recherches. Donc là, il s'attache aux métadonnées. On peut aussi travailler directement sur les données, sur le code source lui-même, analyser des milliards de lignes de code source. Et ça a un intérêt scientifique, ça a aussi un intérêt maintenant business. Il y a des entreprises qui, j'en connais quelques-unes, qui fournissent des outils d'analyse de code en ligne qui vont permettre aux entreprises qui prennent un abonnement d'améliorer ou en tout cas de détecter les erreurs qu'il peut y avoir sur leur code. Et qui sont en général mises à disposition gratuitement pour les logiciels libres. C'est aussi c'est à la fois du marketing, faut pas le nier, mais c'est aussi une façon de redonner à la communauté quelque chose, de donner quelque chose en retour. J'aimerais qu'on en arrive aujourd'hui au temps présent, à l'heure actuelle, avec un exemple important, une question centrale en tout cas, qui est la position, le rôle aujourd'hui de l'administration et des entités publiques vis-à-vis de l'open source et du logiciel libre. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'ANSSI, qui est l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, pour examiner un système qui s'appelle ClipOS, un système qui a pour vocation précisément de renforcer la sécurité informatique. Oui, l'ANSSI, donc cette agence, elle est rattachée en France au cabinet du Premier ministre, et son but, c'est d'assurer la défense des systèmes d'information de l'État, mais aussi de conseiller et de soutenir les administrations et les opérateurs d'importance vitale dans leur sécurité informatique. J'ai rencontré Vincent Strubel, qui est sous-directeur de l'ANSSI, et qui m'a parlé de ClipOS, donc ce système d'exploitation développé par l'agence et qui s'ouvre grâce à l'open source aux contributions extérieures. Vincent Strubel nous explique l'intérêt de l'open source dans le développement d'un système informatique comme ClipOS et nous dit aussi pourquoi l'open source peut jouer un rôle dans la sûreté informatique et la protection d'informations sensibles, que ce soit au sein de l'administration ou bien d'industries dites critiques. ClipOS, c'est un système d'exploitation Linux, donc c'est ce qu'on appelle une distribution Linux, c'est un ensemble de logiciels qui forment tout l'environnement logiciel d'un ordinateur. Sa spécificité, c'est qu'il a été, non pas écrit, mais adapté par l'ANSI pour renforcer sa sécurité. En particulier, il permet de cloisonner plusieurs environnements logiciels sur le même poste, c'est-à-dire qu'on a deux bureaux complètement isolés entre eux, qui permettent de traiter des informations sensibles d'un côté et non sensibles de l'autre. Parce que, par exemple, on est connecté sur Internet, mais en même temps, on veut faire de la messagerie sensible ou administrer à distance des systèmes d'information critiques ou des choses comme ça. Donc ça permet d'isoler ces deux cas d'usage. Et plus généralement, c'est quelque chose qu'on a pensé pour résister aux attaques informatiques qu'on connaît. Soit ne pas y être vulnérable, soit y être vulnérable, mais moins qu'un système d'exploitation classique, en ce sens qu'il est... Je prendrais l'analogie de la construction navale, quand on veut faire un bateau qui ne coule pas, non seulement on lui donne une coque solide, mais en plus on le découpe en compartiments. De telle sorte que quand il y a un trou dans la coque, on perd un compartiment, mais pas tout le bateau. Et bien là, on a fait pareil en informatique avec ClipOS, qui est découpé en compartiments, de telle sorte que si un virus, par exemple, prend la main quelque part sur un compartiment du système, il n'infecte pas tout. Et donc, on garde l'essentiel. Alors, ce système est développé en open source. Est-ce que tout le monde peut y contribuer ? Alors, il n'a pas été initialement développé en open source. C'est quelque chose qui existe depuis 10 ans, plus de 10 ans à l'ANSI, qui n'était pas conçu à la base pour faire de l'open source. Ça fait un moment qu'on se dit qu'on veut le publier. On était confronté au dilemme classique dans ce cas-là, qui est on a fait un développement insulaire en vase clos et ouvrir ça à des contributeurs externes, c'est pas forcément leur faciliter la tâche, parce que c'est devenu quelque chose de très compliqué. Donc là, on saisit l'occasion d'une réécriture partielle, de reposer un certain nombre de concepts de base qui ont un peu vieilli ou qui pourraient être faits mieux maintenant. Et donc, on ouvre une nouvelle version. On a publié la version antérieure à titre de référence. Je pense pas qu'elle soit utilisable telle quelle par un extérieur à l'ANSI. On ouvre le développement d'une nouvelle version, alors qu'il est dans un état assez préliminaire à ce stade. Mais là-dessus, toutes les contributions sont évidemment bienvenues. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent que une agence nationale de sécurité informatique ne doit pas se mélanger avec l'open source, avec l'ouverture? Alors, fondamentalement, nous, on ne s'interdit rien. Hein, notre mission, on cherche à la remplir le mieux possible. Après, il y a beaucoup de simplifications. On en sort un petit peu, mais sur l'open source et la sécurité, c'est peut-être l'occasion d'en contredire certaines. On affirme parfois un peu rapidement que l'open source, c'est contraire à la sécurité parce que l'attaquant peut voir le code source du logiciel qu'il cherche à attaquer. C'est pas vrai en général. Alors d'un point de vue théorique, il y a quelque chose qui s'appelle le principe de Kirchhoff, qui vient de la cryptographie, qui dit qu'une solution ne doit pas reposer pour sa sécurité sur le secret de son implémentation. Alors c'est un peu complexe à dire, mais ça veut dire que si la solidité de la solution dépend du fait que l'attaquant ne sait pas comment elle est conçue, ça marchera jamais. Et c'est très vrai dans la pratique, puisque un attaquant qui a accès à un logiciel, même sans son code source, peut largement conduire les analyses dont il a besoin pour ses finalités à lui. A contrario, on dit aussi parfois que l'open source, c'est mieux pour la sécurité parce que tout le monde regarde le code source et donc les bugs sont trouvés plus vite. C'est potentiellement vrai pour certains grands projets open source qui ont des millions et des millions d'utilisateurs et de contributeurs. C'est quand même beaucoup moins vrai pour la majorité des projets open source parce qu'ils sont potentiellement développés par 2-3 personnes. Et franchement, il n'y a pas grand monde qui va se livrer de son plein gré et de sa propre initiative à l'analyse d'un code source pour en chercher les faiblesses potentielles. Donc, il n'y a pas de plus ou de moins, il n'y a pas de positif ou de négatif dans l'open source. C'est à peu près équivalent de ce point de vue-là avec du logiciel propriétaire. Après, nous, notre intérêt pour l'open source, au-delà de notre propre contribution, c'est les possibilités qu'elle offre. Avec l'open source, on peut évaluer, de fait, la sécurité en regardant le code source, en l'analysant. C'est pas magique, mais si on s'en donne les moyens, on peut le faire. Et nous, c'est quelque chose qu'on pousse beaucoup de manière générale, l'évaluation par un tiers. C'est un de nos fondamentaux historiques et on continue à le faire et on le développe très largement de labelliser des solutions informatiques. Avec l'open source, on peut le faire sans la, si j'ose dire, sans la coopération du développeur. Et on le fait dans la pratique. Hein, on lance des évaluations de notre propre initiative, de logiciels open source qui nous semblent intéressants. On informe le développeur, on lui donne les résultats, il en fait ce qu'il veut, et on n'attend rien de lui, mais c'est quand même intéressant. Et l'autre possibilité, c'est ce qu'on a fait avec ClipOS, c'est que l'open source, on peut l'adapter. Donc si on a un cas d'usage bien spécifique en tête, on peut adapter la solution à ce cas d'usage, la sécuriser mieux pour ce cas d'usage, quitte à perdre un peu de généricité ou d'ergonomie le cas échéant, mais on peut faire beaucoup plus dans ce cas-là. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres acteurs institutionnels de l'envergure de l'ANSSI qui se reposent sur l'open source? Et si oui, est-ce que vous avez des exemples à me donner? Alors, qui se repose sur l'open source, je pense que toute l'administration française s'appuie dans une large mesure sur l'open source. Sans que ce soit une exclusivité, hein, on a aussi du logiciel propriétaire évidemment, mais on a un large recours à des briques open source assez classiques, comme n'importe quelle organisation aujourd'hui. Et de plus en plus, on a une politique active au niveau de l'État de contribution à l'open source. Et des acteurs, alors il y a évidemment la DINSIC et Etalab qui sont la DSI, Direction Informatique de l'État, qui sont en pointe là-dessus, qui à la fois contribuent eux-mêmes et encouragent les différentes administrations à contribuer. Là encore, pas pour des raisons philosophiques, mais simplement pour des considérations pragmatiques, que ça nous aide à travailler mieux et à mieux faire notre travail. Voilà le reportage du jour sur ce système ClipOS développé par l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Peut-être une réaction simplement à ce que vous venez d'entendre, Alexandre Audier. Oui, donc là, on parle de problématiques de défense nationale, en fait, et qui est donc, du coup, on parle de systèmes d'exploitation faits pour résister aux attaques. Ce qui m'a fait sourire, c'est que, par exemple, le ministère de l'Éducation nationale, lui, il est complètement inféodé à Microsoft, là, les contrats. Mais là, quand il s'agit de problèmes sérieux, contrairement à ce qui est suggéré dans le reportage, effectivement, il vaut mieux, et là, c'est clairement, ils font pas appel à Microsoft pour ce genre de problème, quoi. Et que donc, effectivement, bien que ça soit open source, ils font des choix pour des questions de sécurité, des choix ouverts. Stéphane Fermigier, pourtant il y a une loi en France, la loi du 7 octobre 2016 pour une république numérique qui impose l'ouverture par défaut des codes sources composant les logiciels des administrations. Oui, alors c'est un de ces aspects. D'ailleurs, on pourrait dire que c'est la traduction de cette loi. Elle contient aussi un passage qui nous intéresse, nous promoteurs, disons, du logiciel libre. C'est l'idée que l'État doit faire la promotion du logiciel libre pour au sein de l'administration, qu'elle soit centrale, service déconcentré, service hospitalier, enfin tout ce qui dépend de l'État. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on attend encore des actions, je dirais, fortes de l'État, sachant que la DINSIC, par exemple, doit être le bras armé de ce type de... La DINSIC qui est la direction... interministérielle sur les systèmes d'information... Il y a un mot-clé sur ce sujet, c'est souveraineté numérique. Donc on parle de sécurité avec l'ANSSI, mais qu'on parle plus généralement de l'utilisation du logiciel libre au sein de l'administration, c'est probablement le principal argument pour utiliser le logiciel libre. C'est à la fois de garder au sein de l'appareil de l'État la maîtrise de son informatique, de son système d'information, donc une chose qui devient de plus en plus cruciale et stratégique. Et pour nous, on pense aussi que c'est l'occasion de renforcer une filière en France et en Europe, d'entreprises qui sont spécialisées dans le logiciel libre et qui représentent au jour d'aujourd'hui 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 50 000 emplois, un secteur qui recrute, sur lequel on espère aussi que les universités, les écoles d'ingénieurs, etc. vont continuer à former de plus en plus d'ingénieurs, de développeurs qui sont formés à ces méthodes de travail, à ces outils de développement, à ces langages de programmation qui sont au cœur du développement logiciel open source. Yves Leganchev, vous voulez réagir à ce reportage ? Oui, je voulais réagir un petit peu surtout à la remarque de M. Hockey. En fait, effectivement, on peut penser que stratégiquement, c'est plus intéressant pour un pays comme la France de privilégier le logiciel libre quand il s'agit d'infrastructures stratégiques. Mais bizarrement, il y a l'exemple de l'armée, par exemple, dans cet exemple, depuis 2009, l'armée continue à souscrire un contrat de type open bar avec Microsoft, contrairement à tout. De type open bar, ça veut dire que c'est Microsoft, tous les logiciels, tout gratuit jusqu'au bout. C'est à peu près ça. Il y a une cotisation. Pas gratuit. On paye une cotisation globale et après. On est encouragé à utiliser le maximum. Donc du coup, ça n'encourage pas, au contraire, à l'utilisation de solutions alternatives. Voilà, c'était à peu près ça. En fait, ma remarque, c'est un sujet qui est très délicat, sur lequel plusieurs ministres ont été opportunés, mais sur lequel il n'y a pas vraiment de position claire de la part du gouvernement, malheureusement, je dirais. En plus de la loi sur la République numérique, on peut citer des lois un petit peu plus anciennes, comme la loi sur l'enseignement supérieur, qui préconise la préférence du logiciel libre dans l'utilisation dans le cadre de l'enseignement supérieur, la recherche. Voilà, mais le ministère de l'Éducation nationale signe des contrats avec Microsoft. Donc là, c'est carrément une question d'éducation et de culture. Le projet de Microsoft, c'est de comme un dealer, quoi, d'habituer les gens aux outils pour ne plus en passer. Quoi. Alors notre constat au sein du CNL et d'autres organisations comme la FUL, la PRIL et plein d'autres, ça fait 20 ans qu'on discute avec des décideurs publics, avec des administrations, des représentants d'agences qui sont dédiées au numérique au sein de l'État. On constate le plus souvent avec nos interlocuteurs directs un intérêt fort, plus que fort, hein, pour certains, une véritable volonté d'encourager le développement du logiciel libre dans l'administration. Maintenant, il faut savoir aussi qu'il y a des enjeux économiques majeurs, il y a du lobbying, hein, comme on dit, d'acteurs qui ont un intérêt différent. Donc on essaye aussi, c'est aussi pour cela qu'on essaye de se structurer, d'avoir un discours clair, d'avoir un discours à la fois clair, mais aussi actionnable, de pouvoir dire, voilà, sur tel type de solution, notamment les solutions d'infrastructure, mais aussi un certain type d'applicatifs, il y a des solutions et il vaut mieux utiliser ces solutions, encourager le développement de logiciels d'origine française et garantir l'indépendance des services. Un tout dernier mot pour conclure, j'aimerais un tour de table pour vous entendre tous les trois sur cette question, parce qu'on parle de l'effet incitatif des administrations. On sait qu'il y a un certain nombre de décisions de justice antitrust qui ont empêché les constructeurs à vendre leur logiciel, à intégrer leur logiciel propriétaire à l'intérieur des machines, etc. Bon, néanmoins, aujourd'hui, quels sont les mouvements à faire quand on est face à des terminaux qui sont de plus en plus fermés, qui sont de moins en moins accessibles, comme évidemment les téléphones portables? Comment faire pour encourager aujourd'hui les citoyens, les consommateurs, à avoir plus facilement recours aujourd'hui à des logiciels libres, à des logiciels open source plutôt qu'à des logiciels propriétaires auxquels effectivement on a été certainement habitués comme des consommateurs par des dealers? Votre avis rapidement, Alexandre Roquet, pour faire un dernier tour de table. Oui, moi je pense qu'au-delà de la question de la technique et donc par exemple de la formation d'informaticien ou d'apprendre à coder ou ce genre de choses, il y a aussi une question de culture et que, là, en fait, moi par exemple j'enseigne Wikipédia et Wikipédia c'est une façon d'essayer de comprendre des enjeux liés à tous ces problèmes dont on vient de parler dans un monde grand public, dans un monde qui n'est pas celui de l'informatique. Yves Gandchef. Aujourd'hui il faut absolument adapter, enfin. Il faut une approche stratégique parce que une loi ne suffit pas pour décréter le déploiement des logiciels libres. On a eu plusieurs cas où le déploiement a résulté en une catastrophe parce qu'il n'y a pas de méthodologie, on ne déploie pas des logiciels libres comme ça. Donc il faut absolument se munir d'une méthodologie de déploiement avec des documentations, des formations. C'est un cycle qui est relativement complexe. Il ne faut pas penser qu'on peut changer les habitudes et une technologie qui est quand même très ancré aux usages quotidiens, juste comme ça par un coup de baguette. Il y a deux méthodologies. Une, c'est top-down, faire par procureur, enfin, du haut vers le bas, avec des décisions ministérielles, mais il y a qui est le bottom-up, qui est du bas, par l'intérêt des usagers, des utilisateurs, qui demandent à avoir plus d'outils maniables, libres, interopérables. Je pense que le secret se cache quelque part dans le rapprochement de ces deux méthodes. Stéphane Fermigier, pour conclure. Alors, il y a plusieurs types d'utilisateurs de logiciels. Il y a d'un côté le grand public et de l'autre les entreprises et les administrations. Donc, on va avoir des problématiques complètement différentes, que ce soit d'un point de vue stratégique à long terme ou simplement de satisfaction de besoins immédiats. Donc, la recommandation qu'on peut faire pour le grand public, c'est d'utiliser les logiciels libres les plus en vue, donc un navigateur libre, Firefox, bien connus, LibreOffice, la suite bureautique, VLC, un logiciel libre d'origine française que pratiquement tout le monde a sur son portable. Avec enfin, lequel on peut écouter votre émission. Avec des... Exactement, on peut écouter la méthode, on peut regarder ces vidéos, on peut faire des playlists. Ça, c'est pour le grand public. Après, s'initier au codage, on peut partir sur des plateformes de développement qui sont très ouvertes, comme le Raspberry Pi, hein, sur lequel il y a la possibilité pour les jeunes de s'éclater complètement en utilisant toutes sortes d'outils de développement et permettant d'expérimenter. Et puis pour les entreprises, ben, c'est d'avoir effectivement une stratégie plus sur le long terme que sur le court terme, et de communiquer, d'aller voir les gens qui font du logiciel libre. Merci beaucoup. On est très en retard. Merci pirater beaucoup. Vos téléphones. Arrêtez, on va avoir des problèmes après. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Stéphane Fermigier, Alexandre Roquet, Ivailo Ganchev. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, vous pouvez retrouver le podcast des idées claires aujourd'hui sur la question: est-ce que les aides sociales coûtent vraiment beaucoup trop de pognon à l'État? La réponse est sur Facebook, Twitter et sur votre application de podcast préférée. Demain, nous parlerons des biais idéologiques dans certaines études scientifiques, que ce soit dans les sciences humaines et sociales, mais aussi dans les sciences dures. On se donne rendez-vous demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.